Partie 3, Andante sostenuto, avec illustration picturale. Où que soit le nid de l'aigle, son altitude est la règle. Au village, 9 juin 2017, soir. Un cri de coq éclate dans le silence. La douce teinte orange d'un soleil de fin d'après-midi embellit la luxuriante nature. Sur fond de ciel bleu pur, quelques rougeâtres nuages légers flottent calmement. Le bruissement d'une eau claire s'écoulant dans un petit canal berce les oreilles. Le long de la rive, je marche, tranquille, souple, bien droite, avec la dignité modeste qui sied à mon âge. Elle est soulignée par mon pantalon noir et ma chemise blanche, simples et jolies. Ma chevelure, désormais grise, est nouée derrière ma nuque. Je parcours quelques ruelles du petit village. J'aime ces constructions en bois, pour la plupart de style traditionnel. La terre et le feuillage parfument l'atmosphère. De temps en temps, de paisibles bêlements de chèvres interrompent l'apaisant silence. Au loin se dressent de hautes montagnes boisées. Leurs sommets en pain de sucre taquinent le ciel en une intime relation de connivence. Je m'engage sur un petit pont en bois, un peu dodu. J'y rencontre 2 paysans, un vieux et une jeune. Ils reviennent du travail, le visage et les mains couverts de poussière. Lui porte une hache sur l'épaule. Elle tient dans chaque main un seau en bois rempli de morceaux de charbon. Nous échangeons nos salutations amicales. Puis je descends le pont et m'engage dans une autre ruelle. Le soir, je suis à la maison. Tout y est sobre, bien ordonné. J'ai peint les murs en blanc. À l'un d'eux, j'ai accroché une belle toile chinoise traditionnelle. On y voit une très haute montagne. Le sommet en pointe est enfoui dans des nuages laiteux. À l'angle inférieur à droite se tient un aigle, les ailes baissées, de couleur bleue et rouge. Son regard perçant semble à la recherche d'une proie. À l'angle supérieur gauche de la peinture est écrit un poème d'une délicate calligraphie. « Si tu veux être mon soleil, je serai ta planète. Si tu veux être mon vent, je serai ta bannière. » Si tu veux être mon eau, je serai ton oasis, ou l'inverse, comme tu veux. Pour moi, c'est égal. Après le dîner, je m'approche de ma petite bibliothèque. Quand j'ai occupé ce logis, j'y ai accroché un poème. Ô fleur, dont la racine ne fut pas arrachée par la main assassine, ta sève, non asséchée, te donne vitalité. Le hasard est un train qui a plus d'un tocsin. Soudain, j'entends mon nom. Surprise, je me tourne vers la télévision allumée. Prise de vertige, j'appuie mon dos sur la bibliothèque afin de ne pas m'écrouler par terre. Je regarde de nouveau la télévision. L'écran affiche ma photo, celle offerte au jeune homme. Une image se superpose en m'embrasant. Le jeune musicien courant en larmes, en me tendant son violon à travers la fenêtre de l'autobus en marche. Quiconque l'a vu ou la connaît est prié de se mettre en contact avec nous au numéro figurant en bas de l'écran, déclare l'animatrice du programme télévisé. L'esprit violemment agité, la main tremblante, je saisis mon téléphone. Je parviens à former le numéro indiqué. À l'autre bout, un autre appareil sonne. On répond « Allô ?» Le ton est pressant. Celui d'une femme. Suffoquée, je ne parviens pas à parler. « Allô ?» répète nerveusement la voix. « Allô ?» Plusieurs secondes passent. « Allô ?» insiste encore la voix. Il m'est impossible d'ouvrir la bouche. Encore d'autres secondes. Finalement, l'autre personne raccroche. Indécise, tendue comme un bambou sous la furie d'une tempête, je reste avec la main douloureusement crispée sur mon téléphone. Je rappelle. « Allô ?» dit la même voix. Je téléphone, ma voix se bloque. Oui, s'il vous plaît, parlez. Je n'y réussis pas. Allô, allô, insiste la voix. Allô. Je lance. La femme que vous recherchez. Laquelle? Hua. Ah oui, qu'avez-vous à nous dire? Rien ne sort de ma bouche. Je vous en prie, parlez !» s'empresse l'autre. À son propos, je sais quelque chose. « Quoi ?» J'hésite à poursuivre. « Quoi ? Parlez, s'il vous plaît !» Une sorte d'étourdissement m'envahit. « Vous m'entendez ?» s'obstine l'autre voix. Je me domine et affirme « Elle sera au parc du Jardin de l'Harmonie préservée, à Pékin. Comment le savez-vous ? Qui êtes-vous » Je m'attendais à ces questions. « Je suis son amie intime. C'est elle qui m'a confié sa décision. D'où parlez-vous ? Où habitez-vous ? » Ces demandes me surprennent. Dois-je dire la vérité ? Oui, je fournis le nom du village. Quand dites-vous qu'elle sera à Pékin ? Dans 5 jours, elle sera là-bas, le 14. Je me corrige. Sinon le 15. Pourquoi Hua n'a pas téléphoné elle-même ? Je ne sais pas. Peut-être pour faire une surprise. Êtes-vous sûr de ce que vous dites ? Désormais, de nombreuses communications nous sont parvenues, mais toutes se sont révélées infondées, quand pas fantaisistes. Je vous conjure de me croire. Je vous ai donné le nom de notre village. Comment êtes-vous certaine qu'il s'agit de la Hua que nous cherchons ? C'est elle-même qui a reconnu la photo. Constatant le silence de l'autre côté du fil, je veux écarter le doute. Pour la trouver, il suffit d'aller au parc, les jours indiqués, le 14, sinon le 15. D'accord, merci. Merci de votre collaboration. Après le déclic du téléphone qui raccroche, je ne tiens pas debout. Je rejoins mon lit, j'y tombe, presque anéanti. Pourquoi n'ai-je pas dit qui je suis ? Village, 1er octobre 1975, 22h. Feuilles éparses, clandestines, registre de mes peines et misères, endommagées par mes larmes et le temps. Faut-il vous brûler ? Les plus éclatantes fleurs se fanent, la pluie les réduit en poussière, les vents l'éparpillent. Village, 2 octobre 1975, à 23h40. Enfin, le repos, en vérité, l'ensevelissement. Au-delà de ma personne, je pense à toi, pays bien-aimé, à vous, démuni de tout, à présent même de l'espérance. Quel malheur de ne pouvoir rien faire! Déplacer les montagnes n'est pas en mon pouvoir, détourner le lit des fleuves non plus. Cependant, écarter le petit caillou tranchant pour épargner aux marcheurs une blessure au pied, cela je le puis. Dès lors, apaise-toi, mon esprit, les fleurs se couchent aussi. À toi également, Rua, bonne nuit. Village, 3 octobre 1975, clair de lune. Un éléphant saccageant un magasin de porcelaine, c'est déjà trop. Mais 2 éléphants, ou 2 ouragans, dans une maison. Ah, Rua, Rua, tiens bon, sois ferme, je t'en prie. 9 juin, soir, Pékin. Le 8 juin, nous sommes retournés à Pékin. Le 9, au soir, dans le hall de l'hôtel, May et moi regardons l'émission de télévision. Ainsi, j'apprends que Hua est vivante, et qu'elle viendra à Pékin, au parc. May me donne d'autres détails. La présentatrice déclara qu'à la fin de 1975, Hua fut envoyée pour être rééduquée par le travail en Chine méridionale dans un village. Son nom fut indiqué. Cependant, la présentatrice du programme télévisé avait ajouté en conclusion « Mais nous n'écartons pas une mauvaise plaisanterie. » Hypnotisée, mes yeux demeurent rivés sur l'écran de télévision. En entendant la nouvelle, une sensation étrange me remue violemment. Bruno me distrait de mon trouble. « Alors, qu'en dis-tu ? » ? J'ai besoin de réfléchir. Bruno me presse en demandant encore. « Nous l'attendons ici ou nous allons au village ?» Il me faut donner mon opinion. Difficile de décider. J'envisage les 2 hypothèses, puis je propose. Nous disposons du temps pour aller au village, et, dans le cas où Hua n'y est plus, de retourner à Pékin la veille du 14. 10 juin 2017, soir, au village. Le lendemain matin, la petite école résonne d'un joyeux chant d'enfants âgés de 4 à 10 ans. La salle est très modeste, mais propre et ordonnée, éclairée par une belle lumière du jour passant à travers les fenêtres. Les bancs et les pupitres sont en bois, face à un tableau noir rudimentaire. Tout a été fabriqué par les paysans du village. Je dirige les chanteurs avec des mouvements lents et précis de mes mains. À la fin du dernier couplet, j'applaudis mes petits élèves. « Bravo, bravo !» Il rit, satisfait. Le moment difficile arrive. D'une voix particulièrement affectueuse, je les informe. Je dois partir à Pékin. Je l'ai prévu. Immenses sont la déception et la peine des gamins. L'un d'eux conclut avec une déchirante tristesse. « Toi aussi, tu veux abandonner notre village ?» Je m'attendais à cette désolante observation. Je remarque une petite élève. Ses joues se baignent de larmes. Je cours auprès d'elle, m'agenouille pour avoir les yeux à la hauteur de ceux de la petite fille. Puis je lui étreins fortement les mains. « Ne pleure pas, Xuxi, je reviendrai. Oui, j'en suis certaine. Quelles que soient les circonstances futures, je retournerai au village, d'une manière ou d'une autre. » Âgée de 6 ans, Xuxi est dotée d'un corps frêle, mais vigoureux. J'ai toujours aimé cette petite écolière à cause d'une particularité. Un visage en permanence embelli par un tendre sourire. Une fois, en jouant, son front heurta un mur. Xuxi tomba. Je courus vers elle, très inquiète. La petite se releva calmement, et malgré la légère blessure d'où sortait un peu de sang, elle sourit en disant simplement « C'est rien, c'est rien !» Je n'ai jamais vu une personne avec une expression si radieuse. À n'importe quelle occasion, elle s'épanouit. Qu'est-ce qui alimente cet état d'esprit ? Plusieurs fois, j'ai voulu le savoir sans y parvenir. Quel bonheur d'avoir dans ma classe un tel cadeau de la nature. C'est donc la première fois, après l'annonce de mon départ, que je vois la tristesse sur le visage de Xuxi, et même des pleurs. C'est dire combien j'en suis remuée. Avec beaucoup de délicatesse, j'essuie les larmes du visage de Xuxi. En la tenant dans mes bras, je me tourne vers les enfants. Ils me fixent, partagés entre la perplexité et l'inquiétude. Quelle affreuse séparation! Quelle déchirure de cœur! Rose rouge du petit vase, montre-moi de la vie l'extase. Après la leçon, en franchissant la porte de l'école, mon esprit est très confus, ma poitrine extrêmement tendue. Sur le chemin, comme chaque jour, je rencontre une villageoise que j'estime beaucoup. Je m'arrête et la salue. Elle est occupée à traire une chèvre. La paysanne est proche de ses 80 années d'existence. De petite taille, habillée pauvrement, le corps maigre, la peau tannée par le soleil, la dentition défectueuse. « Ah, maîtresse Oua, j'aime toujours te voir. Moi aussi, tant âgée, j'ai beaucoup de plaisir à te rencontrer. Et tu sais pourquoi j'aime te voir ? Je te prie de me le dire. Parce que, malgré ton âge, tu es encore belle, tu sembles plus jeune. » Ces propos me tirent un sourire. Elle ajoute, « On dit que la manière d'affronter les aléas de la vie se voit sur le visage. Eh bien, le tien dit que tu les as bien affrontés. » Préférant éviter cet argument, je change de sujet. « À propos, comment ça va avec les rhumatismes de ton dos ? » ?»« Il est un peu capricieux, mais les massages quotidiens contre un tronc d'arbre lui font du bien. » Un couple de jeunes mariés passe, accompagné par une dizaine d'amis, jouant de la musique avec des gongs, des cymbales et des tambours. Nous échangeons avec eux de joyeuses salutations. Une fois le cortège éloigné, la villageoise m'observe longuement, d'un regard tendre, mais curieux. « Pourquoi me regardes-tu comme ça, tant âgée ?» Elle semble un peu gênée. Par respect, je n'insiste pas. Voilà qu'elle répond. « Je me suis toujours posé une question, mais je n'ai jamais osé la formuler, de peur de t'embarrasser. Je ne vois pas de questions qui peuvent m'embarrasser. Allez, pose ta question. » « Tu es une femme belle et de bon cœur et instruite. Pourquoi ne t'es-tu jamais mariée ?» Oh, la question, elle me prend totalement au dépourvu et réveille un affreux événement. Une place publique, à Pékin, après mon retour de la tournée à l'étranger. Une forte pluie tombait d'un ciel assombri par de gros nuages. Quelques jeunes m'encerclaient, très agités et menaçants. L'un d'eux me hurla, avec un visage déformé par la haine. « Reconnais que tu as osé aimer un étranger. C'est pour cela qu'il t'a donné un violon. Avoue-le, c'est un espion !» Recourant à tout le sang-froid dont j'étais capable, j'ai répliqué « Non, ce n'est pas un espion. » Une violente gifle me fit basculer. « Alors, tu es sa complice !» cria mon persécuteur. Non loin de nous, quelques personnes assistaient à la scène, apitoyées, apeurées ou simplement curieux. Les jeunes qui m'entouraient se précipitèrent sur moi en vociférant, hystériques, « Ennemi du peuple ! Avoue que tu es une ennemie du peuple !» J'objectais avec indignation et en toute sincérité, « Je ne suis pas ennemie du peuple, parce que je fais partie du peuple, et je n'ai rien fait de mal !» Alors, lança d'une voix criarde et très aiguë une jeune fille aux lunettes de myope. « Où est le violon ?» Je soutins son regard injecté d'une hideuse colère. « Où l'as-tu caché? Où? Insista-t-elle. Je l'ai perdu. Comment ça, perdu? Je ne sais pas. Tu dois collaborer avec nous, m'ordonna férocement la jeune fille. Tu comprends? Collaborer! Autrement, tu le paieras très cher, toi et tous les membres de ta famille. Je l'ai dévisagé en comprimant mes sentiments, en retenant ma pensée. Comment collaborer avec des gens dont la conduite est si contraire à la justice et à la vérité? Alors, tu collabores? Éructa la jeune fille en soulevant au-dessus de ma tête un gros bâton. Pour ne pas subir d'outrage plus douloureux, j'ai demandé. En faisant quoi? En reconnaissant que tu as agi contre le peuple. Comment cela? En acceptant d'avoir une relation avec un étranger. Mais je n'ai pas eu cette relation. Il m'a simplement vu chanter. Il a apprécié et j'en fus contente. À la fin, il m'a offert son violon. Où est le mal? J'aurais dit toute la vérité, y compris concernant la photo, si j'avais eu affaire à des gens honnêtes et justes. Mais à des insensés, cela aurait condamné moi et ma famille aux pires atrocités. Chienne, nous te ferons avouer tes crimes contre-révolutionnaires. Plusieurs coups de bâton tombèrent sur moi. Je me recroquevillais sur moi-même, en présentant mon dos pour protéger le reste de mon corps. Finalement, je fus brutalement emmenée jusqu'à un petit local. Là, je fus jetée par terre. L'endroit était obscur, sale et nauséabond. Je sentis les douleurs de mon visage tuméfié et de mon dos suite au coup reçu. Dans ce trou infect, j'ai passé la nuit, tremblante de froid, sans nourriture ni boisson, et sans pouvoir dormir à cause des rats qui circulaient. Le lendemain matin, on m'a soumise à des séances dites d'autocritique et de critique publique. L'objectif officiel était, soi-disant, de réformer ma pensée dans le bon sens, celui considéré révolutionnaire, autrement dit, conforme à la pensée du président Mao. En réalité, le but visait à me faire avouer ce que mes accusateurs voulaient, par le recours d'abord à l'humiliation, ensuite à la violence. Je devais reconnaître des fautes imaginées par mes persécuteurs. Néanmoins, malgré la peur de subir encore d'autres affreux traitements, je n'ai pas admis ce dont j'étais injustement accusé. Tu as osé aimer un étranger, avoue-le. En quoi est-ce une faute? Ne sommes-nous pas internationalistes? C'est un espion. Où en est la preuve? Cette résistance me causa d'autres brutalités. Complètement surprise, je ne comprenais pas un tel comportement de la part de ces personnes. Jusqu'alors, je les considérais des camarades, respectant les citoyens, et les tenant pour innocents tant que des preuves concrètes de leur culpabilité n'existaient pas réellement. Mais je me voyais vivre un cauchemar, d'autant plus horrible que mes tortionnaires déclaraient agir au nom de la révolution authentique, pour servir le peuple. Je ne parvenais pas à admettre la réalité que je subissais, ni en déceler le motif réel. Un jour, au cours d'une des séances de soi-disant critique, la violence des coups contre moi me fit sombrer dans l'inconscience. Mais je ne me suis jamais reconnue coupable, parce que je ne l'étais pas. Mes bourreaux en devinrent furieux. Ils m'ont soumise à d'autres horribles traitements, toujours plus cruels. Inutile de les décrire. Mes souffrances étaient insupportables. Mais je fus surprise de les supporter, sans me soumettre à l'opinion aberrante de mes bourreaux. Admettre qu'avoir une relation avec un étranger est un crime contre le peuple et contre la révolution, sans preuve convaincante que cet étranger est un agent hostile à notre révolution et à notre peuple. Au fond de moi-même, je croyais mes tortionnaires de bonne foi et qu'ils finiraient par se rendre compte de leur erreur. Mais, avec le temps, j'ai renoncé à tout espoir. Cependant, moi qui m'effrayais à la vue d'une souris, je m'étonnais de ma capacité de résistance aux vexations et aux coups. J'évitais de montrer ma peur, bien qu'elle était présente. Mes tortionnaires l'auraient considérée, dans leur folie, comme preuve de ma culpabilité. J'espérais seulement un miracle, mourir le plus vite possible. Finalement, s'étant convaincu qu'ils ne pouvaient rien tirer de moi de ce qu'ils voulaient, mes calomniateurs crurent trouver la solution pour me plier. Ils m'ont exilé dans ce village, une des régions les plus pauvres. J'y fus obligé d'accomplir les tâches les plus humiliantes, selon eux. Bizarre contradiction, considérée dégradante des activités du peuple, tout en prétendant être à son service, et comme condamnation à l'infamie, contraindre à exécuter ce genre d'activité. Je n'avais droit à aucun contact avec mes parents, ni avec mes amis. « On t'envoie dans ta tombe de morte vivante !» me déclara-t-on, et sois reconnaissant de ne pas être coupé en morceaux, jetés ensuite aux chiens et aux rats. En examinant avec attention ma situation, dans un premier temps, je me suis senti étrangement coupable. De quoi? Je l'ignorais. On voulait me réduire à une chèvre qui bêle quand les autres bêlent, selon le caprice du berger. Alors que même les herbes et les fleurs présentent des couleurs diverses, émanent des parfums différents, sans nuire à la nature. Confiné dans mon total isolement, je souffrais tellement. Je me souvins de l'ancien temps, des lettrés célèbres, refusant d'être complices de l'arbitraire impérial, allaient se réfugier dans les inaccessibles montagnes, où ils se cachaient dans d'invisibles grottes. Mais moi, étant prisonnière, où puis-je me réfugier? Je peux tout endurer, ai-je constaté, mais pas l'injustice. Et la voir commise par des gens qui prétendent agir au nom de l'équité, de la révolution, du peuple, mais totalement inacceptable. Pourquoi notre révolution a enfanté cette horrible monstruosité? Pourquoi les efforts sublimes du peuple, ses luttes sanglantes et ses immenses espérances ont accouché de cet effarant résultat absolument inattendu? Et pourquoi ce même peuple ne réagit pas contre cette trahison, d'autant plus qu'elle s'exerce en son nom? Je ne disposais pas de réponse, et je me trouvais incapable de combattre ces méfaits dont j'étais moi-même victime. Alors, pourquoi continuer à vivre? Pour la première fois de ma vie, j'ai pensé au suicide. En examinant avec attention le passé de ma vie, j'ai fini par comprendre le motif de la persécution contre moi. Auparavant, je voyais trop de bureaucrates ambitieux manifester trop de flagorneries, et je m'en offusquais. Dans ma profession, des arrivistes tentaient de me persuader de les imiter, en utilisant ma belle position professionnelle pour obtenir des privilèges. Je refusais avec indignation un tel comportement. On me fit remarquer « La musique et le chant sont destinés à honorer les puissants. Tu devrais le savoir et en tirer des avantages. » J'ai opté pour le chant par amour du peuple. C'est à lui que j'ai plaisir à l'offrir pour contribuer à l'amélioration de sa vie. Ses luttes et ses sacrifices m'ont permis de devenir chanteuse et libre. Pour moi, les idéaux de notre révolution populaire ne sont pas des mots vides ou trompeurs, mais des réalités que nous devons concrétiser pleinement. Tu es idéaliste. Sans idéal, que vaut la vie? L'idéal, ça ne se mange pas. Moi, ça me nourrit. J'ai consigné mes pensées intimes sur des petits papiers secrets. Par prudence, je veillais à bien les cacher pour éviter des ennuis. J'avais déjà compris dans quelle aberration nous étions tombés. La liberté, officiellement vantée, consistait seulement à faire la louange des puissants, proclamer leur géniale infaillibilité, sans jamais émettre la moindre critique. Mais je n'appréciais pas le langage formaté, conventionnel et servile que les gens au pouvoir encourageaient, parce qu'ils confortaient leur domination. Cependant, je m'efforçais à ne pas m'attirer les dangereuses stigmatisations aux conséquences fatales. Déviationnistes, petits bourgeois, individualistes, droitistes, gauchiste, contre-révolutionnaire et autres étiquettes. Je refusais l'autoritarisme sous toutes ses formes, surtout quand il avait l'imposture de se présenter au nom du peuple. Pour moi, la révolution est totalement le contraire. Liberté, égalité, coopération, internationalisme prolétarien, solidarité des peuples. Alors, qu'est-ce qu'une révolution où le citoyen n'a pas la liberté d'exprimer sa pensée? Surtout quand elle vise à défendre les valeurs de cette même révolution, en faveur réellement du peuple. Qu'est-ce qu'une révolution où il est interdit de dénoncer tout ce qui opprime le peuple, en démasquant les imposteurs qui prétendent le représenter tout en le dominant par la violence armée? Contrairement aux dirigeants étatiques, ma vie concrète était conforme à mes idées. Ma chambre et mon habillement étaient très simples, ce qui n'excluait pas leur beauté. Mon seul luxe était un petit vase de rose rouge, la couleur tout autant du sang versé pour la liberté que de l'espoir d'une équitable société. Et les épines rappelaient l'existence des difficultés pour parvenir à ce but. J'étais embarrassée par les traitements de faveur qu'on m'accordait dans la compagnie artistique, sous prétexte de mes qualités professionnelles. Un soir, à un somptueux dîner, je ne parvenais pas à manger. Sommé de fournir une explication au secrétaire de la section du parti dans notre théâtre, présent avec nous, j'ai répondu « Je suis gêné de consommer toute cette nourriture en pensant que les ouvriers et les paysans ne disposent pas même du dixième de ce qui est sur notre table. » À cette réponse, le secrétaire du parti me toisa avec sévérité, et mes partenaires de la troupe me fixèrent stupéfaits et craintifs. Je compris alors mon erreur. Pour eux tous, je venais de critiquer nos chefs, c'est-à-dire le chef des chefs, qui décidait de tout, le président Mao. Mes pénibles réflexions furent interrompues par un chant d'oiseaux. À l'extérieur des murs de ma détention, il poursuivait sa joyeuse mélodie. Ce fut un doux baume sur une plaie saignante. L'idée du suicide me revint. Je l'écartai résolument. Se tuer aurait été une lâcheté, une manière de donner raison à mes bourreaux. Il fallait, au contraire, assumer la vie, un droit que nul ne pouvait me nier tant qu'il se basait sur la vérité.